cette longue guerre, je m'en reviens revoir ma terre, aimer les miens. Arrête ta course, vagabonde, toi qui t'en viens du bout du monde. Où t'en vas-tu comme ça? Ta route s'arrête là, il n'y a plus personne à West Malone. Par mon baptême, par l'Occident, c'est le que j'aime. Je sais ma tante, elle te mena si loin ta route. Croisade pour vaincre le doute. Et pendant ce temps-là, le malheur arriva et la folie des hommes à West Malone. Tranquille, j'étais parti, croyant ma ville bien à l'abri. Mais maintenant il faut me croire, efface tout de ta mémoire. La ville que t'as connue, hélas, n'existe plus. Qu'un jour on nous pardonne pour West Malone. La mort est mienne, adieu l'amour. Faites que vienne mon dernier jour.